Exercice 12, page 141. Tu es parti depuis plus de 30 ans et tu me manques toujours. J'aimerais tant te revoir. Tu ne croirais pas tous les changements depuis ton départ.